Radio Mont-Blanc, l'agenda. La troisième édition du Salon Habitat et Déco d'Albertville revient à partir de vendredi sous la Halle Olympique. Découvrez plus de 110 exposants réunis sous un même toit, prêts à partager leur savoir-faire, leurs conseils et leurs nouveautés. Que vous soyez en pleine construction, réno ou simplement en quête d'idées, vous allez trouver de quoi concrétiser tous vos projets. Un événement qui est l'occasion parfaite pour rencontrer des pros, comparer les offres et donner vie à vos envies. Vous êtes attendus nombreux pour vivre un moment d'inspiration et d'échange autour de l'univers de la maison. C'est un bon rendez-vous qui vous attend vendredi, samedi et dimanche sous la Halle Olympique d'Albertville, et Radio Mont-Blanc vous offre vos places, vos invitations. Envoyez Habitat sur notre WhatsApp 04 50 58 24 47. Ce week-end à Annecy, c'est la grande fête traditionnelle et folklorique depuis 1973. Ce samedi, la descente des alpages. Les rues d'Annecy vont être envahies de troupeaux colorés, d'animations artisanales, démonstrations de vieux métiers, défilés de troupeaux qui évoquent la transhumance, groupes de danse folklorique, dégustation de produits du terroir, défilé des animaux à 14h30. Vous découvrirez ainsi les différentes facettes de l'artisanat et des traditions savoyardes. Ce samedi, la descente des alpages, c'est à Annecy.